une belle époque, pas très lointaine. Petit flashback du gars Callahan. Une sorte de western à la sauce urbaine, où jamais tu parles, plutôt tu dégaines. Plutôt tu dégaines. T'es un lascar qui veut pas de problème, mais dès que tu démarres comme un diable, tu te démènes. La tête haute, tu le sais, tu connais les rênes. En avant pour les homères, à coup de bang bang, coup de bang bang, à coup de bang bang, à court d'arguments. À coup de bang bang, à coup de sang, à coup de bang bang, à coup dans les dents. Mais faut dire que moi j'avais des excuses, j'étais tellement malin qu'on m'appelait triple buse. Et à l'école, là où je m'appliquais le plus, c'est quand j'appliquais le but. C'est quand j'appliquais le bus. Et puis faut dire que mon vocabulaire traînait depuis longtemps un sale verre solitaire. Alors le premier qui m'en gardait de travers, sans un mot, daté de mon revolver. À coup de bang bang, à coup de bang bang, à coup de bang bang, à court d'arguments. À coup de bang bang, à coup de sang, coup de bang bang, à coup dans les dents. Puis on m'a même offert un petit tour de donjon. Et là pour la castagne on était tous des champions. On était bien réglés, question agression. Attaquer tous de front, on attaquait tous de front. On s'est jamais privé d'un nouveau coup d'éclat, car d'autres solutions on n'en connaissait pas. Moi j'étais resté bloqué dans le mode où je m'emballe, et même mes potos je les ai mis à mal. À coup de bang bang, à coup de bang bang, à coup de bang bang, à court d'arguments. À coup de bang bang, y a coup de sang, à coup de bang bang, à coup dans les dents. Et puis je m'en suis sorti et pour rester vivant, j'ai dû calmer le jeu, faire moins de rentre dedans. Alors je me suis posé, j'ai dû vivre autrement, et j'ai trouvé le temps de bien observer les gens. Bien observer les gens. J'en ai vu des malins tout bardés de diplômes, qui savent se servir de leur image bonhomme, qui sortent par les poings et séduisent les hommes. Mais pour sécher les autres, ils en font tous des tonnes. À coups de bang bang, à coups de bang bang, à coups de bang bang, à court d'arguments. Caché sous un de gants de velours, une bonne main de fer, une foule de compromis et un cerveau brillant pour gérer leurs affaires subtilement. Toujours plus subtilement. Et aujourd'hui, je sais que si t'es plus malin, je pourrais donner les mêmes coups de bang bang, et sans jamais avoir à me salir les mains. Je pourrais voir tomber bien plus d'innocents à coups de bang bang, à coups de bang bang, à coups de bang bang, à court d'arguments, à coups de bang bang, à coups de sang. Dans les dents, à coup de bang bang, à coup de bang bang, à coup de bang bang, à court d'arguments, à coup de bang bang, à coup de sang.